Papa,

monde est méchant. Le monde est méchant. Naleli ye ye, no no ye no. Naleli ye ye, DJ lo mangai na leli ye ye randi na larisa mere kabishi ye ye romeli tuna jose kalala ah nzambe nzambe nzambe nzambe nzambe ngai pasi pasi yako emeshebie na linga kobose ya linga ngate Bye. koseka ya la vie. Bitali ya sukali yo na koki kobosana te. Namboka mopaya tozala kilisanga. Ozali lokola mabele kokani na yo. Nazali moto na langwa la vie. Pena se pelisaka bato nyonso. Namona kibino na mai na miso.

lettre le matin. Ah, Daïda, Jésus a mal fatigué la kibiso. Itéa, c'est mon pas l'amour. Ah, Adam Bombolé, Jésus a mal. Bati mubenga ya dite modiso kiyeme tu mama sikini pipen de Patel Bachat Eric Kenzo Omalu Mumba Starleta Crystal Dolce Asha Mokoto Male male male male male bijou mobunga male male male Bosco Boble Moga Italien male male male male Papito male, male, male, busco problema. Papa na mwana na koya to pana o famille somme la yo Mercedes. Oyo ni mama. Le big boss Jean Gandou. Passi na komono eke ina mo pepe. Wale wale la ma Jean-Claude ma famu. Na ke kole la jipe ansulu ni kabama katanga. Jardin d'Eden, tout y avait, tout y était. Allez à la quitte, bande, cocole la pays qu'elle est faite. Satan, le diable, esprit m'a fait. Ami Bongo, l'ignoca, aé, coco, sa, Eva. Y'a comme qui l'est comme un bololo. Tolé la cache, cosse, cochima. Jonas, merci. Ali, ma mère, papa, Freddy Porsche. Marie-France et Chumbu MC Pelelaye.